Maison hantée. Прослушайте текст. Согласны ли вы с тем, что в доме поселилось привидение? Почему? Presque tous les villages ont leur maison hantée. Celui de Pierre Gougaud ne fait pas exception à la règle. Toi, Antoinette, sais-tu ce qui s'est passé? Oui, j'ai bien connu le tailleur du village puisque nous habitions porte à porte. C'était un homme comme les autres, ni meilleur ni pire, mais fort espiègle. Il aimait s'amuser comme tant d'autres. Il s'était marié avec une femme de Coudon, que l'on disait un peu sorcière. On l'évitait. Autrefois, il suffisait que le bruit court pour que la peur s'installe. Pourquoi l'appelait-on le tailleur? Parce qu'il l'était. En même temps, il occupait les fonctions de garde. Le tailleur avait un tambour qu'il remisait dans un placard. Il paraît que toutes les nuits, ce tambour tombait, roulait dans l'escalier, battait la retraite. Tu me diras qu'un chat aurait bien pu le faire tomber. Eh bien non, car le lendemain, le tambour était à sa place. Vers minuit, on entendait régulièrement un bruit de pas, comme un troupeau de moutons que le chien pousse. C'est tout ce que je sais, sauf que, dans le temps, en bas, il y avait un café. Un soir de fête, au cours d'une dispute, deux jeunes gens en ont tué un autre. Alors tout semblait s'expliquer. Tel est le souvenir encore vivant du dernier témoin. Et l'esprit frappeur, n'ayant plus d'auditoire, a quitté les lieux en laissant seulement derrière lui des ruines que personne n'a jamais relevées.